Je me souviens de nos beaux jours, quand nos cœurs battaient d'un même amour. Maintenant tu n'es plus là, mais je pense encore à toi. Je me souviens l'été dernier, quand sous les étoiles on dansait. Cet air-là, je ne l'oublie pas, car moi je pense encore à toi. Je ne fais que rêver à tout cela, toi et moi, rien que toi et moi. Surtout ne me réponds pas que tout a une fin et que pour toi le passé n'est plus rien. J'attends de toi un geste, un mot, pour donner à ma vie un ciel nouveau. Entends ma voix, reviens vers moi, car moi je pense encore à toi. Je ne fais que rêver à tout cela, toi et moi, rien que toi et moi. Surtout ne me réponds pas que tout a une fin et que pour toi le passé n'est plus rien. J'attends de toi un geste, un mot, pour donner à ma vie un ciel nouveau. Entends ma voix, reviens vers moi, car moi je pense encore à toi.